retour à la musique. Never cold when I was young. I'm still young. We're still young. Life's too short to be afraid. Step inside the sun. Voilà tout le monde, bienvenue sur Fun. Dans un instant, Laurent Hill et Daft Punk, juste après le Flash Love Story avec Guillaume. Eh bien écoute, pas une poule à l'horizon, pas une chienne à l'horizon, pas un lobster à l'horizon. Vous l'aurez compris, rien à l'horizon. Pour le moment, c'est repos absolu. On espère que ça va commencer à bouger dans l'heure qui vient et on se retrouve tout à l'heure à 13h. C'est très bien, tout à l'heure donc. D'ici là, 0803-085000, tout de suite vous m'appelez, je vous offre avec Télé 2 la carte téléphonique collector Love Story, 0803-085000, et écoutez bien ce qui arrive. Il a quitté le loft hier soir. Hier soir. Celui qui va quitter le loft ce soir est Fabrice. Fabrice. Il sera ce soir en exclusivité sur Fun Radio. À Genève. Organize. Next Generation. Oui. Elle est bien Marie, j'aime bien moi Marie, dis donc. Qu'est-ce que tu vas faire de beau ce week-end? Ah bah dis, je vais aller à la mer ou quelque chose comme ça. C'est fort ça. Très bien Marie, je t'envoie l'album que tu veux, qu'est-ce que tu choisis? Ce que je veux. Ouais, vas-y, ouais. Enfin, un truc fun, hein, pas Lara Fabian, quoi. D'accord. Je te le dis direct. Oui, vas-y. Ça peut être un ancien ou ça peut être un nouveau? Comme tu veux. Comme je veux, un ancien, alors. Eh ben, écoute, je t'envoie ça. Très bien. Très bien. Oui, à l'ancienne de DJ Abdel. Je t'embrasse, Marie. À bientôt. Voici Matt sur Fun Radio. c'est la mer en dessous les étoiles. Top 20, album chart as well as jazzmatazz. Il fera généralement 26 degrés en pleine, 28 au sud des Alpes. Il marquera 0 à 4000 mètres d'altitude. En soirée et ces prochains jours, le risque d'un orage isolé en montagne n'est pas totalement exclu sous un gros cumulus, mais il est faible et surtout cela n'aura pas de conséquences sur le temps du jour suivant. La météo avec BCV Private Banking. Il est presque 12h59 sur Radio Suisse Romande La Première. Merci d'avoir suivi ce journal. Les anges, ils m'envoient aussitôt vers les flammes et puis la fange. 500 Funk pour la musique, le dernier mat dans un instant les Fugees et le flash spécial Love Story dès maintenant. Love Story. Mais que font-ils en ce moment ? Fun Radio. Fun Radio, heure par heure, il intervient sur Fun Radio pour vous donner les dernières news du loft. C'est Guillaume, alors Guillaume, bonjour. Oh bonjour, et eh ben tu sais c'est très calme, ça se réveille doucement dans le loft. Laure, la première tout à l'heure, qui a pleuré en prenant son petit déjeuner pendant une demi-heure. Loana, maintenant qui vient de se lever, on a fait la vaisselle, on fait le ménage, on fait les lits. C'est bon, une grande ambiance pour le moment. Pendant ce temps-là, bah, eux ils font rien, mais Fabrice, il est très occupé. Et pour cause, ce soir, il sera chez Max, c'est 21h dans le Star System. Et vous pouvez lui poser toutes vos questions dès maintenant sur le www.fanradio.fr. A tout à l'heure. Merci Guillaume. Et vous, dès maintenant, vous m'appelez 0803-08-5000. J'ai des cartes téléphoniques Love Story à vous offrir au standard de Fun Radio. Il n'y a pas question. Vous m'appelez maintenant 0803-08-5000. On y va. Il a quitté le loft hier soir. Hier soir. Celui qui va quitter le loft ce soir est Fabrice. Fabrice. Et ça, ce soir, en exclusivité sur Fun Radio. Alors, préparez vos questions pour Fabrice. Il y répondra dès 21h, en direct, aux côtés de Max. Sur Fun Radio. Ça me fait vachement plaisir, voir ma famille. Merci à tous. Love Story, vous êtes les premiers sur le coup en écoutant Fun. Fun Radio. They say an end can be a start, feels like a baby is still alive, it's like... Sixpence None the Richer avec le titre Kiss Me, embrasse-moi alors juste un kiss. Et... Nestlé Aquarelle, eau officielle du Tour de France. Autoroute Info, guide pratique. Boucler sa ceinture de sécurité, une obligation pour tous, à l'avant comme à l'arrière. Des dispenses médicales peuvent être accordées dans des cas très précis. Come on, baby, yeah, it's fun radio. Thing. It's fun radio, yeah. Come on. I'm walking away from troubles in my life. I'm walking away. Comme toutes les heures, à 14h pile poil, c'est-à-dire dans 10 minutes, flash spécial Love Story. D'ici là, les Daft Punk, le dernier, Digital Love et Angel, le dernier bijou de Shaggy. Écoutez. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me, baby. Shorty, you're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need, baby. Life is one big party when you're still young. But who's gonna have your back when it's all done? Yeah. It's all good when you live for your dear fun. Can't be a fool, son, what about the long run? Damn. Looking back to the always I mentioned. Say me not keeping her much attention. Yeah. She was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. Girl, you're my angel. You're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me, baby. Shorty, you're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need, lady. You're a queen and that's how you should be treated. So you never get the loving that you needed. Yeah. Put a left for a call and you heeded. Begged and pleaded, mission completed. Yeah. And I said that I and I the program. Not the type to mess around with your emotion. Yeah. But the feeling that I have for you is so strong. Been together so long and this could never be wrong. Girl, you're my angel. You're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me. Shorty, you're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need, baby. Girl, it's part of my behavior, so let me see you. You must be sent from up above. And you appear to me so tender, say girl, I surrender. Thanks for giving me your love. Girl, in spite of my behavior, you are my savior. You must be sent from up above. And you appear to me so tender, well, girl, I surrender. So thanks for giving me your love. All of this one big party when you're still young. And who's gonna have your back when it's all done? It's